Il faut des billets verts, un gros joint d'herbe. Elle m'a mis les nerfs, je te rejoins le coup, je suis là dans une heure. Et pour ton caisse t'attends, t'es plein de balles et de la tatata. On voit la vie comme ça, on est niqué, la chatatatata. Plus besoin des frites, le shit c'est de la bulle. Oh putain, y'a les comptes de haut feu. Je bouge un peu, j'ai le cerveau en feu. On est sincère, on joue pas un jeu. Toujours à l'ouest, je perds mes affaires. Que des gros mélanges, que des gros pétards, on classe à faire. À qui tu comptes la faire? On va lui faire la guerre. Qu'à la chambre de guerre, c'est ça le terre-terre. À qui tu comptes la faire? On va lui faire la guerre. Qu'à la chambre de guerre, c'est ça le terre-terre. Toujours à l'ouest, je perds mes affaires. Que des gros pétards, que des gros mélanges, en classe à faire. Wesh le zin, vas-y prends-moi un vin. C'est des dégâts, on arrive à deux vins. S'il te plaît la couze, remets un verre de vin. J'peux pas te dire, poto j'suis pas devin. Aïe aïe aïe, on a fait le roro. J'ai des feuilles, j'ai pas les Malboro. Un peu de vodka, j'suis de couilles de taureau. Sac à dos Philippe, on va chercher les euros. Toujours à l'ouest, j'perds mes affaires. Que des gros pétards, que des gros mélanges, en classe à faire. À qui tu comptes la faire? On va lui faire la guerre. Qu'à la charme de guerre, c'est ça le terre-terre. Toujours à l'ouest, je perds mes affaires. Que des gros mélanges, que des gros pétards, en classe à faire. À qui tu comptes la faire? On va lui faire la guerre. Qu'à la charme de guerre, c'est ça le terre-terre. Écoute Mané, Magnolo. Dans ta ville, tu fais le fou dans ta ville. Écoute Mané, Magnol, tu fais le fou dans ta ville. Tu fais le fou dans ta ville. Toujours à l'ouest, j'perds mes affaires. Que des gros pétards, que des gros mélanges, en classe à faire. À qui tu comptes la faire? On va lui faire la guerre. Qu'à la charme de guerre, c'est ça le terre-terre. Toujours à l'ouest,